السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله جميعا en cette soirée du samedi. نعم en cette soirée du samedi 19 ذو القعدة 1432 ليجير ce qui correspond au 7 novembre 2009 d'après le calendrier chrétien. Nous sommes, Inch'Allah ta'ala, toujours dans l'Aqidah al-Wasitiyah, au tome 2, et cette fois, Inch'Allah ta'ala, avec le cours numéro 47. Naam, le cours numéro 47, bi'idhni azzawajal. Dans le cours précédent, nous avions dit que yani, les gens de la Sunna et du consensus prescrivaient le bien et proscrivaient le mal. On avait dit que pour cela, il y avait yani, cinq conditions. Car yani, prescrire le bien et condamner le mal, c'est une adoration. Et toute adoration a bien sûr des conditions. Naam. Nous avons donc cité les cinq conditions. Aujourd'hui, le nouveau bi'idhnillahi ta'ala, c'est lorsque dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, il dit wa yarawna, il parle toujours de sunnah ou jama'a. Il dit, ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. أعيد, ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. Donc, ça veut dire, il dit qu'il considère que, يعني, les gens de la Sunna du consensus, Salaf, رضي الله تعالى عنهم, il considère que l'on est tenu de s'acquitter du pèlerinage et du djihad, du combat sur la voie de Dieu Azza wa Jal, d'assister aux prières du vendredi et des fêtes, hein, avec tous les gouverneurs, que ce dernier soit pieux ou pervers. Je répète, les gens du consensus, la sunna du consensus, considèrent que l'on est tenu, c'est-à-dire c'est obligatoire, de faire le pèlerinage et le combat sur la voie d'Allah Azza wa Jal, ainsi que d'assister aux prières du vendredi et des fêtes des deux Aïds, avec tous les gouverneurs, que ces derniers soient pieux ou pervers. Ensuite il dit, وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَعَاتِ وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَعَاتِ وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ C'est-à-dire que ils veillent à prendre part à la prière en groupe et pratiquent le devoir de conseiller la communauté. Ensuite, il a dit ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. نعم. Il a dit, il croit au sens de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, le croyant par rapport au croyant est comme la construction. Non, il ne faut pas ajouter le mot marsous, c'est faible. Donc, est comme la construction dont tous les éléments se soutiennent, rapporté par Bukhari, Muslim et les autres. Non. Ensuite, il a dit, wa qawlihi. نعم وقوله يعني يعتقدون معنى قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. حديث اوثنتيك. نعم. C'est-à-dire, نعم. Ainsi que, il croit au sens de la parole du messager d'Allah, lorsqu'il a dit, l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est comme celle du corps. Dès que l'un de ses membres, l'un des membres du corps, se plaint de quelque mal, tout le reste du corps se plaint aussi et accourt à son secours par la veille, c'est-à-dire, il dort pas, il veille, et la fièvre rapportée par Muslim. Maintenant, inshallah ta'ala, on va passer à l'explication. Lorsqu'il a dit, ويرون إقامة الحج والجهاد والجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. Il voit, il est dans leur dogme, il est dans leur minhaj, de quoi? D'assister ou de s'acquitter du devoir du hajj et du jihad et des prières en groupe, et que ce soit de l'Aïd ou bien des vendredis, il a dit, avec les gouverneurs, qu'ils soient pieux ou pervers. Ici, Cheikh Ben Othaymin, alayhi rahmatullah, dit, فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدعة تماما. Il a dit, des gens de la sunna, les salafs, radiyallahu ta'ala anhum, يخالفون, vraiment, convergent, vraiment, afin divergent, vraiment divergent avec les gens de la bida. Vraiment, vraiment, vraiment, il y a une grande divergence entre les gens de la sunna et les gens de la bida. En quoi, par exemple, il a dit, فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله. Il a dit, les gens de la sunna, les salafs, les compagnons, les grands savants, ceux qui suivent les plus prédécesseurs, est permis, même obligatoire, d'aller avec l'émir, avec le gouverneur, faire le hajj, l'émir, le responsable. Wa in kana min afsaqi ibadillah, même si ce responsable est le plus pervers qui puisse exister. La personne la plus perverse qu'elle puisse exister. Il a dit, wa kana fima sabaqa yaj'aluna 'ala al-hajj amiran. Autrefois, au temps des salafs, radiyallahu ta'ala anhum, quand ils voulaient aller au hajj, qu'est-ce qu'ils faisaient? Yani, le gouverneur mettait quelqu'un, il lui donnait la responsabilité. Il désignait quelqu'un, il lui dit, c'est toi, inshallah ta'ala, qui va guider la umma. Yani, cette année pour le hajj, il a dit, كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في العام التاسع من الهجرة. Comme le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a fait une fois? En l'an 9 de l'Hégire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désigné Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit, c'est toi l'émir, c'est toi le émir du hajj, c'est toi le responsable qui va emmener les gens au hajj. ومازال الناس على ذلك يجعلون للحجاج أميرا قائدا يدفعون بدفعه ويقفون بوقوفه. Il a dit, et depuis ce temps, ça a continué cette sunna qui permet de quoi? Qui consiste à ce que on ne va pas au hajj avec sa propre personne ou bien avec deux ou trois, mais on part sous l'égide de qui? D'un émir désigné par qui? Désigné par le calife ou bien le gouverneur. لأن المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به. أما كون كل إنسان على رأسه فإنه يحصل به فوضى واختلاف. Il a dit, les musulmans ont besoin d'un émir pour faire le hajj, d'un grand responsable autour duquel ils vont converger. S'il y a un problème là, c'est eux qui vont leur résoudre le problème. Mais il a dit, si quelqu'un va seul au hajj, ou bien ils vont comme ça, disons deux ou trois au hajj, chaque deux ou trois, chaque groupe au hajj, comme il se passe maintenant de nos jours, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que il y aura beaucoup de désordre. Chacun, chaque groupe a sa propre fatwa. Chaque groupe a sa propre sunan dans sa tête. Et comme ça. Et il va y avoir de grands quoi? De grands problèmes là-bas au hajj. L'autre il va dire, c'est aujourd'hui le 9e jour. L'autre il va dire, non, nous sommes le 8e. L'autre il va dire, ici, on est à Arafat. L'autre il dit, ici, on n'est pas à Arafat, il faut encore marcher. Mais s'il y avait quelqu'un qui commandait, Alhamdoulilah. Yani on va chez lui, c'est lui qui règle les problèmes. S'il dit une chose, c'est une chose. C'est lui qui a été désigné comme responsable du Hajj. Naam. D'ailleurs, je vous rappelle une chose que le messager d'Allah, alayhi sallam, a dit dans un hadith. J'ai cherché, je l'ai trouvé dans Sahih Abi Daoud, radiyallahu ta'ala anhu, Cheikh Al-Albani a dit, hadith authentique, numéro 2608, dans Sahih Abi Daoud. Il a dit, qu'a-t-il dit le messager d'Allah, alayhi sallam? Il a dit, « Ida kharaja thalathatun fi safar yu'ammiru ahadahum. » Regardez ce qu'a dit le messager d'Allah. Il a dit, quand trois personnes sortent en voyage, alors qu'elles choisissent un émir entre elles. Subhanallah. Donc nous trois, subhanallah, si nous sommes trois à aller voyager, on fait juste un voyage de 80 ou 100 km. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit choisir quelqu'un et lui dire, tu es le émir, Inch'Allah, c'est toi qui vas nous commander. Car si on est trois, on risque, si on n'a pas d'émir, on risque de quoi? On risque de faire beaucoup de problèmes entre nous, hein, pendant ce voyage. Imaginez quand on est trois. Imaginez qu'on soit 10. Imaginez qu'on soit 20 ou 50. Et on n'utilise pas cette sunna. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez qu'on aille par exemple seulement au camping. Il y a par exemple 50 frères qui vont aller au camping. Et ils ne mettent pas quelqu'un, ni un émir, pendant le voyage. Là-bas au camping, qu'est-ce qui va se passer? Certains vont dire, on va mettre des tentes ici. L'autre va dire, non, sur les montagnes. L'autre va dire, non, près de la mer. L'autre va dire, du côté du soleil. L'autre va dire, non, sous les arbres. Elle dit, seulement, où est-ce qu'on va poser les tentes? Ensuite, quand on les pose, qui c'est qui va cuisiner? Qui c'est qui va ceci? Qui va qui? Il y aura de grandes, grandes divergences, de grands problèmes. Et certains vont revenir chez eux, vont s'énerver. Mais s'il y avait un émir, là, c'est lui qui commande. Il va choisir. Toi, tu fais cette chose. Toi, cette chose, toi. Et comme ça, tout revient à l'ordre. Bien sûr, faudrait-il que l'émir soit vraiment quelqu'un qui a de la science. Ensuite, la science religieuse. Ensuite, quand c'est question de cuisine, il donne une sous-responsabilité à quelqu'un qui est fort dans la cuisine. Il dit, c'est toi le cuisinier. Et quelqu'un qui s'y connaît dans le truc du camping, il lui dit, c'est toi le responsable, par exemple, du camping au niveau des tentes, etc. Et l'autre, c'est toi le responsable au niveau de qui fait par exemple les halaqat, les cours. Et comme ça. Non. Sinon, c'est quoi? C'est la fawda, c'est l'anarchie. Chacun fait ce qu'il veut, chacun dort quand il veut, chacun se lève quand il veut, chacun va à la cuisine et prend ce qu'il veut et mange quand il veut. Toutes les demi-heures, il va manger une chose. Non. Et l'autre, toute la journée, il va rien manger. Lorsqu'il veut manger, il ne trouve pas. Non. C'est le désordre, c'est l'anarchie. D'où l'importance de quoi? De l'émir, surtout en quoi? Surtout dans les voyages. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah dit beaucoup dans son livre Majmou' al-Fatawa, je l'ai lu beaucoup de fois, où il dit que si il est de la sunna dans le voyage de faire quelqu'un qui nous groupe, quelqu'un qui nous commande, un émir. Qu'en est-il, yani, quand on est, il n'est pas dans le voyage, quand on est chez nous, dans notre pays. Imaginez que dans le pays, il n'y a pas d'émir, il n'y a pas de gouverneur, il n'y a rien. Qu'est-ce qui va se passer? Non. Il a dit, فَهُمْ يَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحَجِّ مَعَ الْأُمَرَاءِ. Il a dit, les gens de la sunna du consensus voient quoi? Voient que, yani, on fait le hajj avec qui? Avec les émirs, non, les gouverneurs. وَإِنْ كَانُوا فُسَّاقًا, même s'ils sont des pervers. حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج الله أكبر. Il a dit, même si c'est responsable, نعم, boivent de l'alcool, boivent de l'alcool, yani pendant le hajj. Ce n'est pas ils le boivent quand ils sont en France. نعم, le responsable là, quand on part au hajj, là-bas au hajj, il doit boire de l'alcool. Il a dit, celui-là, tu vas faire le hajj avec lui. لا يقولون, ils ne disent pas, هذا إمام فاجر. La naqbalu imamatahu. Ils disent pas, cet imam, bien sûr, responsable, c'est un pervers. Donc, on ne va pas accepter, yani, qu'il nous commande. Parce qu'ils voient que obéir au gouverneur, obéir au responsable, est une chose obligatoire, même s'il est pervers. Bishart an la yukhrijahu fisquhu ila al-kufri al-bawah, alladhi 'indana fihi min Allah al-burhan. à condition bien sûr que la perversité qu'a ce responsable et ce gouverneur n'atteignent pas le seuil de la mécréance. De la mécréance, Naam. La mécréance, il a dit, une mécréance, yani, si elle est claire et clairvoyante, et on a des délits d'Allah Azzawajal que c'est une clairvoyance. Sinon, Naam, personne ne doit lui obéir. Je n'obéis pas à quelqu'un qui est devenu kafir. Naam. Mieux que ça, on devrait l'écarter du commandement des croyants. On ne peut pas commander des croyants en étant kafir. لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ فإن الولاية لا تزول به بل يتبدأ. Ça, c'est quand il y a mécréance. Il a dit, mais quand il y a seulement perversité, c'est-à-dire les grands péchés, fornication, l'alcool, le vol, etc., il a dit, cette chose n'enlève pas le titre de commandeur des croyants. Non. Cette perversité n'enlève pas que il a l'aptitude à te commander. Il a dit, وَالطَّاعَةُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ وَاجِبَةٌ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ. Et maintenant, s'il est pervers, bien sûr, on doit lui obéir, mais bien sûr, toutefois, à condition qu'il ne nous ordonne pas de transgresser les lois d'Allah Azzawajal. Non. Donc, c'est ça le dogme de qui? De Al-Sunnah ou Jama'a des Salaf Salih. Ensuite, on va poser la question, pourquoi? Pourquoi ils acceptent quelqu'un, Allah l'adim, qui est pervers, qui boit de l'alcool, etc. Ils l'acceptent comme quoi? Comme yani, gouverneur. Il a dit, Khilaf al-Khawarij. Premièrement, donc les gens de la Sunna, yani, comment on dit ça le mot, divergent, se différencient des Kharijites, des Khawarij. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Khariji? Quand on dit quelqu'un, c'est un Khariji. Quand vous lisez ici, je dis à Boromé, ça, Y, sont des Kharijites. Qu'est-ce que ça veut dire Kharijites? Ça veut dire qu'ils se rebellent contre qui? Contre le gouverneur musulman. Tout gouverneur musulman, ils disent de lui que c'est possible de yani, sortir et de se rebeller contre lui. Tandis que si on dit takfiri, ça veut dire qu'ils disent qu'il est kafir. Ils disent qu'il est kafir. Et cela, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les deux. Ils disent tous les gouverneurs arabes sont des kofars. Par conséquent, il est permis de quoi? De leur faire la guerre. Donc, cela, el-Khawarij. Il a dit, nous ne sommes pas comme des Khawarij. Pourquoi on les appelle Khawarij en arabe? Kharaja yakhruju, il est sorti. Il est sorti d'où? Il est sorti du commandement, il sort du commandement du gouverneur. Il ne veut pas être commandé par le gouverneur, comme ils ont fait au temps de Ali ibn Abi Talib et au temps de Muawiya. Ils sont sortis, certains sont sortis de ce côté, et certains de l'autre côté. Et ils ont fait un clan à part. Ils sont sortis de l'obéissance à Muawiyah, de l'obéissance à Ali. Ils ont fait un clan. On les a appelés Al-Khawarij. Et plus tard, c'est devenu un général Khariji. Kharijite veut dire quelqu'un qui sort, qui dit je ne reconnais pas que je dois obéir. Je n'obéis pas au acquis, au commandeur musulman. Naam. Il a dit donc nous, on n'est pas des kharidites. Il a dit, parce que les kharidites voient que ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas d'obéissance au imam, il n'y a pas d'obéissance au gouverneur. S'il fait quoi? S'il fait des grands péchés. Pourquoi? Parce que y a une règle à eux, dans leur règle, c'est quoi? C'est que quiconque, toute personne qui fait un grand péché, est devenue mécréante. Or, les commandeurs, les khalifas, les émirs font des grands péchés. Ils volent, ils ceci, certains boivent de l'alcool. Hein. Donc, ils sont devenus des kofars pour eux. Donc, ils sont sortis de l'islam. Et quelqu'un qui est sorti de l'islam, je ne dois pas lui obéir. Elle dit, donc, elle sunna se différencie de qui? Des kharijites. Et deuxièmement, se différencie aussi de qui? Des rafidites. Rafidites. C'est-à-dire les chiites. Que disent les chiites? Je ne dis pas ce qu'ils disent sur Aïcha ou sur Abou Bakr, ça c'est connu. Que disent-ils dans la politique? C'est-à-dire que disent-ils dans yani, Est-ce qu'on doit obéir à l'imam, au gouverneur, on ne doit pas lui obéir, qui est le gouverneur, etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, La imam illa al-ma'soum. Personne ne peut nous commander que s'il est infaillible, ma'soum. Ah. Wa inna al-ummata al-islamiyata mundu ghaba man yaz'umun annahu al-imam al-muntazir laysa ala imam. Donc, les chiites, les rafidites, ceux qui sont maintenant à Téhéran, en Iran, ceux qui sont au Liban, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ne doit nous commander que quelqu'un qui est infaillible, c'est-à-dire qui ne fait pas de faute, qui ne fait pas de péché, qui ne fait pas de grand péché. Or, ils ont dit, vous savez que eux, dans leur aqida, ils ont, Zama, le shaitan leur a dit, qu'ils ont quoi? Ils ont 12. 12 imams infaillibles. 12 imams infaillibles. Le dernier, c'est qui? Le dernier, c'est quelqu'un qu'ils appellent eux le Mahdi al-Muntadhar. Mahdi, c'est quelqu'un qui, à l'âge de 4 ou 5 ans, ils l'ont plus revu. Ils l'ont plus revu, Allah le maître, Allah on l'a tué, Allah. Mais pour eux, non. Pour eux, yani, il s'est caché. Allah Ta'ala l'a caché de nos yeux et il est jusqu'à présent vivant quelque part. Hein? Il est rentré dans une sorte de cave, on appelle ça, disons, sous-sol, hein? Dans la ville qui s'appelle Samoura. Maintenant en Égypte, il y a une ville qui s'appelle Samoura. Là-bas, à l'âge de 4 ou 5 ans, il est rentré dans une cave comme ça, on ne l'a plus revu. Ils ont dit, donc, celui-là, c'est le 12e imam. C'est le 12e qu'on attend et qui va sortir bientôt. Il est quelque part caché. Il a dit seulement quand celui-là sortira, que il sera obligé alors que yani, d'obéir à lui-même et de, bien sûr, pour qu'il nous puisse guider dans, par exemple, Salat al-Jumu'ah et le Hajj comme ça. C'est pour ça que vous savez que vous savez que les Rafidites, les chiites, jusqu'à présent, ne font jamais Salat al-Jumu'ah. Je ne sais pas si vous savez ça. Non. Ils font, subhanallah, ils font la khutbah du Jumu'ah. La khutbah, c'est-à-dire ils font un dars, comme ça ils montent sur le minbar, ils parlent, et qu'est-ce qu'ils font quand ils descendent? Normalement, ils font deux rak'at, Salat al-Jumu'ah. Eux, ils ne font pas Salat al-Jumu'ah. Ils font Salat al-Dhuhr, deux rak'at, et Salat al-Asr, deux rak'at. Deux, ils les groupent. Non. Ils disent pourquoi? Il n'y a pas le calife, il n'y a pas le gouverneur. Il est caché, il n'est pas encore sorti, l'imam Muntadal. Donc, ce n'est pas permis de faire Salat Jumu'ah et ce n'est pas permis de faire Hajj ou le Jihad. Hajj ou le Jihad aussi. Et quand je dis ils montent sur le mimbar, ils font la khutbah, bien sûr, ce n'est pas la peine que je vous dise que leur khutbah, c'est la politique, c'est tout. C'est ce qui se passe ce qui se passe en Iran, ce qui s'est passé en Israël, le Mohammed, c'est politique à 100%. Il n'y a ni verset ni hadith. Ni verset ni hadith. Il a dit, Lakinna Ahl Sunna ou Jama'a. Alors que Ahl Sunna ou Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Nahnu nara iqamat al-hajj ma'a al-umara, sawa an kanu abraran ou fujara. Ils disent, nous on voit que on doit s'acquitter du hajj. Avec qui? Avec les imams, avec les émirs, avec les gouverneurs. Qu'il soit pervers ou pieux. Il en est de même pour le djihad. Non, djihad, combattre dans le sentier d'Allah. Il a dit avec le gouverneur. Même s'il est pervers, même si le gouverneur est pervers. Et aussi, ils font quoi? Ils font, yani, ils vont au combat, yani. Le combat d'Allah Azzawajal avec quelqu'un, avec un gouverneur, même si ce gouverneur ne prie pas avec eux en groupe. Il prie, par exemple, chez lui, dans sa maison. Non. Il a dit, فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ لَدَيْهِمْ بُعْدُ نَظَرٍ. Les gens de la sunna et du consensus ont quoi? Ont une vue lointaine, c'est-à-dire la vue des fins et des conséquences. Ils voient, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer plus tard. Si on fait telle chose ou on ne fait pas telle chose. Et en al-mukhalafati fi hadhihi al-umur ma'siyatun lillahi wa rasulihi wa tajurru ila fitn 'azima. Naam. Le fait de si par exemple, on prenait pas de madhhab, du rite de al-sunna al-jama'a, hein, qui consiste à obéir au gouverneur même s'il est pervers. Supposons qu'on fasse comme les takfiris et les kharijites, qui disent que s'il boit de l'alcool, s'il vole, si ceci, on ne doit pas lui obéir. Qu'est-ce qui va se passer alors? Non. Est-ce que, yani, par exemple, c'est facile de nos jours de trouver un gouverneur, par exemple, qui ne vole pas, mais qui ne prend pas quelque chose pour sa famille, mais qui ne prend pas quelque chose, yani, de l'argent de la banque, qui les envoie en Suisse pour ses enfants plus tard, mais qui n'achète pas des ranchs, yani, au Texas, etc., et des villas, des palais, je ne sais où. Est-ce qu'il y a? C'est rare. Donc, alors, si maintenant tous les gouverneurs qui faisaient les grands péchés, ou buvaient de l'alcool ou eau, il est interdit de leur obéir, alors c'est l'anarchie totale. Donc, aucun n'est apte à être gouverneur, et, subhanallah, ce sera, comme j'ai dit, l'anarchie totale. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Non. Il a dit, et bien sûr, ça va donc ouvrir, ça va ouvrir des fitnas, qui n'auront pas de fin. فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة؟ Il a dit, quelle est donc la chose qui a ouvert, hein, le combat et la guerre entre les musulmans? Et toutes ces divergences, si ce n'est quoi? Si ce n'est le fait de se rebeller contre les gouverneurs. Non. فيرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء. Donc, il a dit, السنة والجماعة voit que on doit faire le hadj et le djihad avec qui? Avec les gouverneurs, même s'ils sont pervers. Même s'ils sont pervers. Et quand je dis que les sunna al-jama'a ont une vue lointaine et qu'ils voient, yani, ils méditent beaucoup sur les conséquences, c'est pas comme les takfiris qui, yani, ils disent j'aime Allah, donc j'aime sa sharia, donc j'aime l'islam, donc je vais monter à la maison, construire une bombe et je descends. Et je la fais éclater, et yani, il meurt qui meurt, il vit qui vit, et je m'en fous ce qui va se passer. C'est pas comme ça, sunna ou jamaa, non, ça c'est takfir. Ça c'est takfir, c'est taliban, c'est les autres. Non. Sunna ou jamaa, ils voient très loin. Avant de faire une chose, ils lui font combien? Ils lui font 1000 calculs. Non. Et les autres, bien sûr, vont croire que celui qui médite sur les conséquences, etc., que c'est quelqu'un de qui n'est pas courageux. Non, non, celui-là, c'est quelqu'un qui est un peureux. Il va pas faire le djihad. Alors qu'ils savent pas que il n'y a pas de djihad, que c'est quoi? Que si vraiment tout est calculé, tout est prêt. Comment dit Allah Ta'ala? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribat al-khayl. Turhibuna bi aduwwillah wa aduwwakum aussi. Non, Allah Ta'ala a dit qu'il faut leur préparer. Il n'a pas dit que tu vas chez toi, tu construis un sabre et tu descends. Il dit, là, j'ai une épée, je vais faire le djihad. Il a dit, il faut que tu lui prépares ce qui lui ferait peur. Ce qui lui ferait peur. Donc, vous m'avez compris que si tu prépares maintenant des épées, et tu vas bien les aiguiser, que les Juifs vont mourir de rire de toi. Même si on va sortir tous dans la rue avec des épées bien aiguisées, et tous un revolver à droite et une bombe dans la main gauche, que les Juifs vont mourir de rire de toi parce que ils vont t'envoyer seulement un avion. Il y a un sans pilote, et de là-bas, de Tel Aviv, il appuie sur un bouton et l'avion va yani, t'envoyer un missile, et tous ceux qui sont dans la rue vont disparaître. S'il t'envoie un missile simple, s'il t'envoie un missile avec le nucléaire, etc., n'en parlons pas. Donc, toi, si tu veux vaincre les Juifs, il faut quoi? Il faut que tu aies comme eux, que tu médites, tu penses. Et tu commences à travailler. Les bombes atomiques, tout ce que tu veux, il faudrait, si tu ne les dépasses pas, si tu ne dépasses pas les Juifs dans le nucléaire, au moins être comme eux. Et ensuite, Allah Azzawajal te fera vaincre sur eux. Mais avec les sabres et les épées, ils vont mourir de rire sur toi. Donc, eux, ils croient que celui qui ne parle pas de djihad, etc., c'est quelqu'un qui n'est pas courageux. Miskine, celui-là. Au point où quelqu'un a dit un takfiri. Je jure par Allah qu'il a dit cette phrase, qu'il a racontée au frère Abdelmalek Ramadani, qui l'a écrite dans une risala. Qu'a dit ce takfiri? Il a dit, moi je ne suis pas fou ou quelque chose comme ça, de suivre, il parle du messager d'Allah, de suivre quelqu'un qui m'humilie devant les kuffars. Allahu Akbar, kelimat kufr. A'udhu billah, kelimat kufr. Ça veut dire que le messager d'Allah t'humilie. Quand il te dit par exemple, c'est pas le moment de faire cette chose. Quand il a dit par exemple, dans le pacte de l'Hudaybiyah, il a dit d'accord avec les kuffars, il a signé le traité de paix. Naam, il y a pas de, on rentre pas cette année à la Mecque. Pour d'autres, c'est une humiliation. Naam, donc le messager d'Allah, c'est quoi? C'est quelqu'un, c'est un peureux. C'est quelqu'un qui a peur des kuffars. Ils ont fait un pacte, ils lui ont dit, tu signes, tu es obligé de signer celui-là. Il a réfléchi, il a dit, je signe, naam. Et il a fait des concessions qui ont été quoi? Qui ont été la libération. Subhanallah, le fath al-mubin. Subhanallah al-azim, le fath. Subhanallah al-azim. Donc, pour les takfirés, ils vont dire que ceux-là, bien sûr, ils sont pas courageux. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle Cheikh al-Albani, rahimahullah. Lorsqu'une fois, il parlait des juifs et il a dit que, puisque vous en Israël, vous en Quds, en Palestine, vous les musulmans, vous êtes faibles, et que les autres qui sont plus forts que vous, ils vous massacrent, ils vous ceci, ils vous cela, alors pourquoi vous ne faites pas un pacte avec eux? Faites un pacte avec les juifs, comme le messager d'Allah a fait un pacte avec les koufars de Quraysh. Il a fait un pacte aussi avec les juifs, à Médine. Et vous, pourquoi vous ne faites pas un pacte avec les juifs qu'ils vous laissent tranquille, vous signez 10 ans ou 15 ans ou 8 ans, il y a une de trêve, et pendant ce temps-là, fortifiez-vous, construisez, faites des bombes, faites je ne sais pas quoi. Certains, il y en a en quoi, sont allés presque jusqu'à dire que Cheikh Al-Albani est un kafir. Ils ne savaient même pas que le messager d'Allah avait fait des pactes avec des kuffars et des juifs. Ils ne savaient même pas ça. Ils sont allés parler avec leur passion, leur tentation. Qui c'est celui-là? Je fais un pacte avec le juif Adoullah, moi je fais un pacte avec lui. Yeah, tu fais un pacte avec lui, c'est pas parce que tu aimes le juif, mais pour toi, pour te fortifier avant qu'il ne t'extermine. Tu n'as maintenant rien. S'il veut, il va t'exterminer. Fais un pacte avec lui, il te laisse tranquille. 10 ou 15 ans, ou 20 ans, ou 5 ans, et pendant ce pacte, tu construis ce qu'il faut construire. S'il faut le nucléaire, s'il faut des bombes, s'il faut l'atomique. Fais-le pendant ce temps. Ensuite, montre-lui qui tu es. Ce n'est pas faire un pacte parce que je l'aime ou je veux qu'il lui donne le Quds. Subhanallah al-Azim. Et, bien sûr, même à la fin du monde, la fin des temps, même à la fin des temps, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il enverra Yajuj wa Majuj, Gog et Magog, qu'est-ce qui va se passer? Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Allah Ta'ala Azza wa Jalla va dire à Isa alayhi salam, quand il descendra, il va lui dire, ya Isa, je vais envoyer, en parlant de Gog et Magog, yani des gens que personne ne pourra, yani les, disons, les confronter, ou bien s'arrêter devant eux. Alors prends qui? Prends yani mes serviteurs et montez sur Jabal Tour. Montez sur Jabal Tour. Vous pouvez trouver ce hadith dans Sahih Tirmidhi 2240. Il se trouve même dans le Bukhari. Donc Isa alayhi salam, quand il va fuir Gog et Magog, il va monter sur le haut de la sommet de Tor. Pourquoi? Est-ce que yani, on est plus courageux que lui? Et il sait que le djihad, yani, parmi les conditions du djihad, c'est d'avoir une certaine puissance. Et Allah Ta'ala m'a averti, il m'a dit, je vais envoyer Gog et Magog, et cela, personne ne peut les confronter. Personne ne peut. Ils vont boire les mers, personne ne peut les confronter. Ensuite, Allah Ta'ala, lui-même, lui dit et lui ordonne qu'il prenne ses serviteurs, qu'il les mette sur Jabal Tor. Le sommet du Tor. Regardez, c'est pas les takfiris qui disent, moi je m'en fous, hein. Moi Gog et Magog, ou là, moi je m'en fous, je vais aiguiser mes sabres et je vais sortir dans la rue. Et je vais tuer, yani, je vais mettre le truc là autour de moi et je me fais éclater, je m'en fous. Naam, subhanallah al-azim. Allah Ta'ala an yu'allimana dinana. Il a dit, lorsque le Cheikh al-Rahmatullah a montré que les gens du consensus et de la sunnah, le sunnah al-jama'a, que, naam, qu'il voyait que, yani, on doit s'acquitter du hajj et du djihad aussi, avec qui? Avec le gouverneur, même s'il est pervers. Il a dit, لكن لا يرون أن فعل الأمير نعم والجمال لا يرون أن فعل الأمير منكر بل لا يرون النفع الأمين بل يرون أنه منكر. نعم il a dit mais attention, mais les gens du consensus et de la sunna, يعني quand le gouverneur fait les, disons, les grands péchés, il voit que cette chose est un grand péché. Il voit que ce qu'il fait, lorsqu'il vole, lorsque ceci, lorsque cela, il voit que c'est un munkar. Ce n'est pas quelque chose que Allah Ta'ala aime. C'est un munkar. Naam. Wa anna fi'li l'amir il munkar, qad yakunu ashadd min fi'li 'amatina. Mieux encore, il voit que lorsque le gouverneur fait des grands péchés, ce grand péché, a beaucoup plus d'impact que lorsque les gens de la masse font un grand péché. En deux choses. C'est quoi la première? Iqtida'u an-nasi bihi wa tahawunuhum bi hadha al-munkar. Lorsque les gens de la masse voient que le gouverneur fait des grands péchés, donc les gens de la masse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce grand péché ne va plus leur paraître un grand péché. On dit même le gouverneur lui-même, qui est notre qudwa, qui est notre modèle, il boit de l'alcool. C'est un exemple. Alors, est-ce que boire de l'alcool, c'est quelque chose de grave? C'est pas grave. Sinon, comment notre modèle, yani notre chef, le fait? Et deuxièmement, et deuxièmement, lorsque le gouverneur lui-même fait des grands péchés, disons par exemple boire de l'alcool, est-ce que lui qui boit de l'alcool va-t-il blâmer les gouvernés, c'est-à-dire les gens de la masse, son peuple? Il va les blâmer s'ils boivent de l'alcool? Il ne peut pas. On va lui dire, arrête-toi le premier de boire l'alcool, ensuite interdis-nous-le. Interdis-nous-le. Non. Toi le premier, tu bois l'alcool. Comment veux-tu que moi je ne le boive pas? لكن السنة والجماعة يقولون حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحظورين أو لغيرهما فإنه يجب علينا الطاعة والإخلاص. Les gens de la sunna disent que malgré que ce qu'on vient de dire maintenant, que le gouverneur, quand il fait les grands péchés, yani, ça a une très mauvaise répercussion, il a dit, malgré cela, il voit qu'on doit leur obéir quand il nous ordonne quelque chose, yani, qui n'est pas haram, et yani, il a dit, même s'ils sont des pervers, même s'ils sont des pervers. Ensuite, il donne des exemples. Il a dit, فَإِذَا كَانَ الْأَمِيرُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ مَثَلًا. Il a dit, si maintenant le émir, le gouverneur, boit de l'alcool, par exemple, وَيَظْلِمُ النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ. Et, par exemple, il fait du tort aux gens dans leurs biens. نُصَلِّ خَلْفَهُ الْجُمُعَ. Il a dit, malgré cela, on fait salat al-jumu'a derrière lui. وَتَصِحُ الصَّلَاةُ. Et la prière est acceptée. حتى إن أهل السنة والجماعة يقولون يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته الكفر. Mieux que cela, il a dit, au point où les gens de la Sunna et du consensus, les salaf, voient que yani, la prière du vendredi est valable derrière un émir, même s'il est mubtadi', même si c'est un innovateur, à condition que son innovation n'arrive pas, yani, au seuil du coffre de la mécréance. Car comme je vous ai dit une fois, l'innovation, il y a celle qui rend l'innovateur kafir, il y a celle qui ne le rend pas kafir. Il a dit ici, si son niveau innovation ne l'a pas rendu kafir, on fait la salat derrière lui. Pourquoi? Parce que si on ne va pas faire la salat derrière lui, ça va vraiment donner des conséquences désastreuses. Désastreuses. Il a dit, alors que, la yaliqu bil amir alladhi lahu imamatu al-jumu'ah fa la dimuka. Alors que normalement, quelqu'un à qui on donne l'émirat pour conduire les gens et les guider dans la salle du vendredi, normalement, il ne doit pas faire les grands péchés. Non, il ne doit pas faire les grands péchés. Donc, le fait. Maintenant, on est en train de parler en général du gouverneur. Et bien sûr, on parle du gouverneur musulman, on ne parle pas du gouverneur kafir. Et comment que l'islam nous exhorte à lui obéir tant qu'il ne nous a pas ordonné quelque chose qui est haram. Qui est haram, nab. Donc, il nous ordonne quelque chose que Allah Ta'ala n'a pas interdite, on doit lui obéir. Et de même que on doit faire avec lui les salawat. Ah, s'il vient, yani, nous guider à la salat, ou là, au hajj, ou là, même s'il boit de l'alcool, s'il boit ceci, tout ça, c'est lui demain qui va payer, pas nous. Non, c'est lui demain devant Allah Azzawajal qui devra rendre des comptes. Moi, ce que je vais faire, moi, j'ai obéi au messager d'Allah, quand il m'a dit que je devais lui obéir, c'est-à-dire au gouverneur. Regardez au point où le messager d'Allah a dit dans un hadith authentique, il dit par exemple que si une personne allait arriver ou la vivrait dans un moment où viendraient des gouverneurs qui tueraient la salat, yumawitun. Vous savez ce que ça veut dire, ils tuent la salat. Par exemple, le dhuhr, il commence par exemple à 13h30 et il se termine, disons, à 15h. Il a dit que viendront des gouverneurs qui vont faire le dhuhr, hein, à la fin, yani, des 15h, à la dernière minute. Et le asr à la fin du asr, c'est presque là, c'est le adhan du maghrib. Viendront des gouverneurs qui vont faire comme ça, tuer, yani, les salats, c'est-à-dire les moments des salats. Qu'a-t-il dit, alayhi sallam? Est-ce que tu vas dire donc, moi je suis pas fou, Allah Ta'ala a dit de faire la prière à l'heure, et plus on la fait au premier moment, plus elle est mieux chez Allah Ta'ala. Donc moi, je vais faire la prière à l'heure au premier moment chez moi. Et c'est pas la peine d'aller à la mosquée. Je parle des hommes, bien sûr. Est-ce que c'est comme ça la sunna? Non, c'est pas ça la sunna. Ça, c'est la sunna des takfirines et des kharijites. Mais, la sunna ou jama'a, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la prière à l'heure chez toi. Ensuite, tu vas aller à la mosquée, faire la prière avec le gouverneur quand il va la faire à la dernière minute. Naam. Comme ça qu'a dit le messager d'Allah, alayhi sallam. Pourquoi tu l'as fait chez toi? Tu l'as fait chez toi pour venir la faire à l'heure. Pourquoi tu vas la faire encore avec lui? Pour que il y ait cette union entre toi et le gouverneur. Pour pas qu'il y ait la désunion et que yani, lui, ils disent donc, il n'y a personne qui fait la prière derrière moi, donc, yani, donc ça va pas, donc on s'entend pas, donc, et ils risquent même de te faire la guerre, et ensuite c'est l'anarchie et c'est les grands problèmes. Donc regardez comment on se parle à l'adim, même en islam, yani, des fois on fait deux salats, des fois on fait deux salats, on fait la même. Et une fois c'est obligatoire, et l'autre c'est nafila. Non, c'est un peu comme lorsque quelqu'un, par exemple, quelqu'un a fait la salat, par exemple, disons dans une mosquée. Il a fait, par exemple, dhuhr dans une mosquée. Ensuite, il est parti dans une autre mosquée chercher un ami. Il est rentré dans la mosquée pour le voir et il a trouvé que maintenant, c'est l'iqama, c'est le moment de la salat. La salat qu'il a, lui, faite dans une autre mosquée. Est-ce qu'il peut dire, je m'assois, je fais pas la salat, moi je l'ai faite? Il reste dans un coin à attendre son ami qui termine sa salat, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ou bien alors, ne pas rentrer du tout dans la mosquée, parce qu'il a fait sa prière, il reste dehors jusqu'à ce qu'il termine, il sorte. Et encore, il s'éloigne un peu de la mosquée pour que les gens ne disent pas pourquoi celui-là n'est pas rentré faire la prière. Ou bien, essayez mieux, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre avec la prière, il rentre dans la prière avec ceux-là, avec ces personnes. Et qu'est-ce qu'il met dans la tête? C'est l'intention de quoi? C'est l'intention de Nafila. Parce que l'obligatoire, il vient de la faire. Non, c'est comme ça, le sunnah ou jamaa. C'est comme ça, le messager d'Allah, quand une fois il a terminé la salat, il a dit salam alaykoum wa rahmatullah, salam alaykoum, il a remarqué deux personnes assises qui n'avaient pas fait la salat. Il a dit awalastuma muslimaini. Il a dit vous n'êtes pas des musulmans. Comme quoi, presque, il n'y a que celui qui n'est pas musulman qui ne fait pas la prière. Il a dit, vous n'êtes pas musulman? Ils ont dit, si, à Rasoulallah, si. On a fait la salat, yani, dans nos maisons, yani, dans un autre endroit. Il a dit, Ferehalina, dans nos maisons. Il a dit, quand quelqu'un fait sa salat dans sa maison ou chez lui, ensuite il vient à la mosquée, il trouve les gens en train de faire la prière, il doit faire la prière avec eux et il la compte comme nafila. Comme ça a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez, même avec un imam, imam, tu rentres à la mosquée, tu t'assois, tu fais pas la prière avec lui. Vous croyez qu'il va pas sentir quelque chose dans son cœur? Il va dire, pourquoi celui-là fait pas la prière derrière moi? Donc, on lui a parlé de moi. Donc, on lui a dit, celui-là, il ne fait pas la prière avec lui, derrière lui. Et les gens qui te connaissent, vont ensuite se poser la question, surtout si cette personne est connue. Elle a par exemple, une certaine science, etc. Et elle n'a pas fait la prière derrière l'imam. Les gens vont se demander, donc, celui-là, il doit sûrement connaître des choses sur cet imam qui l'ont empêché de faire la salat derrière lui. Ça va donner des ambiguïtés. Ça va donner des ambiguïtés sur l'imam. Naam. Et regardez Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, pour que vous sachiez la différence entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a. Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, quand les kharijites l'ont encerclé. Vous savez qu'on l'a encerclé, qu'on l'a même, radiallahu ta'ala anhu, on lui a même coupé sa tête. On est rentré chez lui, on a défoncé la porte, on lui a coupé la tête, que Allah ta'ala leur coupe leur tête. Juste un jour ou les 2 jours avant de mourir, ou là, une semaine ou là avant de mourir, car on l'a encerclé pendant assez longtemps. C'était lui le commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin. Donc c'était lui qui guidait les gens à Médine. Maintenant qu'on l'a encerclé, qui a commencé à guider les gens? Celui qui les guidait, c'est un takfiri, un kharijite. D'ailleurs, il est venu d'Égypte. Bichr al-Kinani, leur chef. Alors, maintenant, c'est le khariji, le mubtadi', l'innovateur, le chef des innovateurs, qui guide maintenant les musulmans, qui guide les sahabas. Alors, les gens sont rentrés chez Othman ibn Affan. Ils lui ont dit, comment on confie maintenant? Il y a X, la grande tête, les innovateurs, qui guident maintenant dans la mosquée à ta place. Que leur a-t-il dit? Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala, il a dit, faites la prière derrière lui. Non, faites la prière derrière lui. Il n'y a pas une chose que je connaisse mieux que de faire la prière derrière l'imam. Subhanallah l'adhim. Regardez comment Othman, radiallahu ta'ala, il n'a pas voulu dire, il aurait pu dire, ah bon, alors ne faites pas la prière derrière lui. Non, surtout que ils veulent me tuer, ils veulent ceci, ils veulent cela. Il leur a dit, non, mais il n'y a pas comme de faire la prière derrière lui. Pourquoi? Pour limiter les dégâts. Limiter les dégâts et limiter les fitnas. Faites la prière derrière lui. Subhanallah l'adhim. De là, on prie les savants que on peut faire la prière derrière le mubtadi'. Si on ne fait pas derrière lui, ça devient grave. Les choses deviennent graves. Non. Et ensuite, pourquoi on va aller loin? Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aimait la sunna plus que lui? Sûrement pas. Non. Celui-là, radiyallahu ta'ala anhu, faisait la prière derrière qui? Faisait la prière derrière Al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ibn Yusuf, que les gens appellent Sefah, ils disent Sefah, c'est-à-dire, ils ont le sanguinaire, qui, dans un hadith authentique, rapporté par Tirmidhi authentique et par Al-Albani, où il est dit qu'il a tué 124 000. 124 000 personnes tuées par Al-Hajjaj. Et qui ces 124 000? Beaucoup d'eux, des sahabas, des compagnons et leurs enfants. Celui-là, il venait à Médine, par l'Aladim, et Wasmo Abdullah ibn Omar, l'un des grands sahabas, beaucoup d'autres, faisaient la prière derrière lui. Parce qu'il était lui, l'émir, il était envoyé pour commander. Un commandeur, un gouverneur, un responsable. Et il faisait la prière derrière lui. Et c'est lui aussi qui les emmenait au Hajj. Il était responsable de, pour le Hajj. Ils ne vont pas dire, moi, je ne suis pas fou d'aller derrière un sanguinaire qui a tué des milliers de gens. Moi, je ne vais pas faire la prière derrière lui, ni aller au Hajj avec lui. Et n'oubliez pas aussi que Abdullah ibn Mas'ud, le grand compagnon, radiallahu ta'ala anhu, il a fait une fois la salat derrière qui? Derrière l'Ouali ibn Uqba. C'est un cousin de Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu. L'Ouali ibn Uqba, radiallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire? plusieurs fois, ils buvaient l'alcool et en étant à moitié sous, guidaient les gens. Et une fois, il a guidé les gens pendant Salat Sobh. Et il était sous. Là, toute la nuit, il avait bu. Et c'est venu l'heure de la prière, il est allé, il a guidé les gens, subhanallah, dans la mosquée de Médine, subhanallah, des compagnons derrière lui, entre autres qui? Entre autres, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu. Et l'autre, non seulement il guide les gens, mais, et sous, mais il a fait salat al-subh, 4 rak'at au lieu de 2. 4 rak'at au lieu de 2. Et quand il termine la quatrième, il se moque, subhanallah, il se tourne vers les gens. On lui dit, tu as fait 4, il leur dit après. Vous voulez que j'ajoute une cinquième? Et Abdullah ibn Mas'ud lui répond, ajoute, nous, tant que tu guides, on est derrière toi. Fais 5, 10, 15, et entre parenthèses, c'est toi qui demain devant Allah Azza wa Jal va rendre les comptes. Nous, on est obligés de quoi? D'obéir aux responsables musulmans. Et demain, entre parenthèses, on va voir devant Allah Ta'ala. Comme ça, il a fait la prière, sauf 4. Il a dit, est-ce que vous voulez que je vous ajoute la cinquième? Et Abdullah ibn Saud a dit, nous, tant que tu es là à prier, on prie derrière toi. Et bien sûr, après, on s'est plaint à Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, il a ramené des témoins et ils l'ont fouetté. Et ils l'ont fouetté. Le Mouhim, ils ont fait la prière derrière lui. Ensuite, il a dit, parce qu'on était. وبهذه الطريقة الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين الغالي فيه والجافي فيه. هذه avec cette disons ce chemin hein, où il y a la douceur, il y a la douceur, يعني, on fait la différence et on voit يعني, comment qu'en islam, يعني, c'est le juste milieu. C'est le juste milieu. نعم. Il a dit, si quelqu'un va dire, si quelqu'un va dire, moi je n'arrive pas à comprendre comment on fait la prière derrière ceux-là et on va avec eux au Hajj, on fait le djihad avec eux et on fait la prière du vendredi et des deux Zaïd. Il va dire, quelqu'un, moi je comprends pas ces choses. Pourquoi? Parce que ce sont nos responsables. Nos responsables, ça veut dire nos quoi? Nos gouverneurs, ou bien ceux qui ont été mis par des gouverneurs. Donc, on doit leur. C'est obligé de leur obéir. Parce que Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous les croyants, atti'u Allah, obéissez à Allah, wa atti'u Rasul, et obéissez aux prophètes, wa ulil amri minkum, et ceux qui détiennent les commandements d'entre vous. Naam. Et aussi parce que le messager d'Allah a dit, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit dans un hadith authentique? Il a dit, vous allez voir après moi, atharatan, un accaparement, wa umuran tunkirunaha, et des choses, yani, déplaisantes, qui ne vont pas vous plaire, des choses, yani, bien sûr, dans, qui ne vont pas vous plaire, yani, dans le sens de la religion, des choses de haram, etc., que vont faire les gouverneurs. Ils ont dit, « Fama ta'amuruna ya Rasulullah ?» Donc, qu'est-ce qu'on va faire, ya Rasulullah ? Qu'est-ce que tu nous conseilles, si on voit ces choses ? Il a dit, « Addu ilayhim haqqahum »« Donnez-leur leur droit, haqqahum »« Wa salu Allah haqqakum » et demandez à Allah vos droits. Subhanallah l'adhim. Regardez le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Je répète. Le hadith, il est rapporté par Bukhari et dans Kitab al-Fitan et aussi Muslim Kitab al-Imara. Donc je répète, qu'a dit le messager d'Allah? Il a dit, donc vous verrez après moi quoi? Un accaparement. Accaparer, c'est yani, vouloir prendre pour soi-même. Yani, accaparement, ça veut dire que vous allez vivre avec certains gouverneurs, ou là beaucoup même, qui vont s'accaparer les biens d'autrui, les biens du peuple. vont prendre des morceaux de terre, des morceaux de terrain, ils vont, voilà, vont s'approprier des morceaux de terrain, ils vont prendre, toute, quand il y a une gouvernerie, ils commandent, ils commandent. Est-ce que par exemple, la terre qu'il commande, ou là, c'est à lui, c'est pas à lui. Comment se fait-il qu'il prenne des morceaux de terrain, il leur donne, il les donne à ses enfants, à sa famille, à ses voisins, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est à lui, ça lui revient pas de droit. Mais le message de là nous avertit que ça allait se passer. Il a dit, vous allez voir des accaparements, et des choses, il a dit, vraiment que, yani, qui vont vous déplaire. Des choses, yani, de haram, de bida, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Rasoulallah? Ils ont posé la question. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? On les combat, ces gouverneurs. Il a dit, donnez-leur leurs droits. Le gouverneur musulman, quand il s'accapare des choses, ou bien il te vole tout ce que tu as, ou bien il te frappe, t'emprisonne, et tu dois faire, tu dois lui donner ses droits. S'il a des droits sur toi, tu les lui donnes. Son plus grand droit sur toi, c'est quoi? C'est de lui obéir. Lui obéir s'il t'ordonne quelque chose qui n'est pas à l'encontre du Coran et de la Sunna. Et quand le messager d'Allah a dit que donnez-leur leurs droits, écoutez bien ce qu'il a dit après cela. Et demandez vos droits à Allah. Allahu Akbar. Pourquoi il n'a pas dit et demandez vos droits au gouverneur? Le gouverneur, tu lui donnes son droit et tu ne lui demandes pas ton droit. Demande-le à Allah Ta'ala parce que on vient de dire qu'ils font des accaparements et qu'ils font du tort. Ils font. Donc, yani à quoi ça sert de lui demander ton droit? Il ne va pas te le donner. Et le message de l'a dit, dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Demande à Allah Ta'ala ton droit. Est-ce que c'est le gouverneur qui commande ou là c'est Allah Ta'ala? Est-ce que c'est le gouverneur qui détient les richesses entre ses mains ou là c'est Allah Ta'ala qui détient ces choses? C'est Allah Ta'ala. Alors demande à Allah subhanahu wa ta'ala, tes droits. Tes droits sur lui, sur le gouverneur. Et mieux que cela, le messager d'Allah, alayhi sallam, a dit dans un hadith, yani, ce hadith normalement, tout le monde devrait l'apprendre. Apprendre par cœur. Et à chaque fois qu'il y a une polémique ou un débat avec le takfiri, tu lui cites le hadith. Lui cites le hadith. Pourquoi? Parce que les takfiri, les kharijites, qu'est-ce qu'ils ont, puisqu'ils n'ont pas de science? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer sur les sentiments avec les gens. Ils vont leur chatouiller. Yani, ils vont leur chatouiller les sentiments. Des chatouillements dans le cœur. Comme ça, tu vas dire, subhanallah, ils ont raison. Au lieu de te citer ce que disent les savants, ils vont te dire, regarde ce qu'ils ont fait avec nos sœurs, ce qu'ils ont fait avec nos femmes, ils nous ont pris nos biens, ils ont pris nos femmes, ils ont fait ceci, celui-là, ils l'ont tabassé, ils lui ont coupé sa tête, ils ont fait ceci à nos frères, à nos mères, à nos sœurs. Ils te chatouillent. Au lieu de parler avec les délits, au lieu de dire, le messager d'Allah a dit, Allah Ta'ala a dit, voilà ce qu'on doit faire. Celui-là, il essaye de venir par le côté sentiment. Alors, on leur cite le hadith. Écoutez qu'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté entre autres par Muslim, dans le numéro 3435. Qu'a-t-il dit, sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez ce qu'il a dit. Yakunu ba'di a'imma. Après moi, il va y avoir des gouverneurs, a'imma. Ce n'est pas l'imam de la mosquée. Hein. L'imam, c'est celui qui commande. Des commandeurs, des gouverneurs. Quand il y a, Rasulullah, ces gouverneurs, c'est quoi leur description? Écoutez bien. La yahtaduna bihudayya. Ils ne suivent pas ma guidée ou la ma guidance. La yahtaduna. Subhanallah. Wa la yastannuna bi sunnati. Et ils ne suivent pas ma sunna. Ils ne suivent pas ma sunna. Ma sunna, ce n'est pas seulement le qamis, c'est la barbe, bien sûr. Ma sunna, c'est la façon de comment je commandais, comment j'ordonnais, comment ceci, comment cela. Ça y est. Et alors, il a dit, وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٍ. Et au temps de ces gouverneurs-là, il y a des hommes, il y a certains hommes, qui vont se lever pour faire la da'wah. Comment sont ces hommes? Il a dit, قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ. Ils ont des cœurs de shaitan. fi juthmani ins, dans des corps d'êtres humains. Donc il y a des gens qui vont se lever pour faire la dawa. Comment sont ces gens? Ils ont des cœurs de shayatin, des cœurs de Satan, dans des corps d'êtres humains. J'ai lu, moi, une fois, Cheikh Fouzan ou le Cheikh Rabi', l'un des deux a dit que le hadith ici parlait des khawarij de notre temps et des tekfir aussi. Non, des cœurs de shayatin dans des corps d'êtres humains. Il a dit, donc, Hudhayfa, radiallahu ta'ala anhu, qui a entendu ce hadith directement, a dit, Qultu, kayfa asna'u ya Rasulullah, in adraktu dhalik. Comment je fais, ya Rasulullah, si jamais je vis jusqu'à cette époque, l'époque où le gouverneur viendra, d'un côté les musulmans, de l'autre côté il ne suit ni ma guidée, ni ma sunna, et pendant sa gouvernance, il y a des gens qui vont se lever avec des corps d'êtres humains et des cœurs de chayatine et qui vont parler dans le dîn. Comment je fais? Il a dit, écoutez la réponse du messager d'Allah, alayhi. Comment je fais à Rasoul avec ses gouverneurs? Il a dit, Tesma'u wa al-Amir. Tu écoutes le califat, le émir, le gouverneur, tu l'écoutes, tu l'écoutes et tu lui obéis. Tu l'écoutes et tu lui obéis. Wa in daraba dhahrak, même s'il fouette ton dos, wa akhadha malak, et te prend tes biens. Fasma' wa ati', écoute et obéis. Dans un autre hadith, il dit, même si c'est quelqu'un de noir de peau, qui vient de l'Éthiopie, de l'Abyssinie, il a dit, tu écoutes et quoi, et tu lui obéis, même s'il fouette ton dos et te prend tes biens. Les tekfiri, pourquoi? Les tekfiri, pourquoi ils détestent tant les gouverneurs musulmans? Pourquoi? Vous croyez que c'est pour Allah? C'est juste pourquoi? C'est une question seulement de matériel, c'est tout. Si jamais le gouverneur appelle un tekfiri, il lui dit, voilà, je te donne tel et tel bien, je te donne la Mercedes, je te donne un morceau de terrain. Khlas, vive Tahia, Tahia, vive le gouverneur, vive le gouverneur. Non. Mais il les déteste. Pourquoi? Parce que, yani, il ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Non. Parce que, ils voient qu'il y a des accaparements de la part des gouverneurs. Ils disent comment cela? Yani, ils vivent tout seuls, ils prennent tout pour leur famille, tout pour ceci. Et moi, je leur fais la guerre, je vais leur montrer moi. Je leur fais la guerre. Non, ils ne la font pas. Fisabilillah Azzawajal. Non. Et maintenant, quand le takfiri va te dire que regarde ce qu'on a fait à nos frères, oh, on a violé nos sœurs, on a brûlé nos femmes, hein? Tu lui dis, écoute, le hadith a dit, obéis-lui et suis-le, même s'il fouette ton dos, et quoi, te prends tes biens, te prends ta voiture et ta maison, quoi, tu dois lui obéir. Il te fouette ton dos et te met en prison. Tu lui obéis. Qu'est-ce que ça veut dire, tu lui obéis? Tu n'as pas le droit de dire, donc, je vais me rebeller contre lui. Ah, il m'a pris mes biens, il m'a pris ma maison. Non, il m'a jeté en prison. Donc, quand je sors, je vais former une bande de voyous, de 10 ou 15. On va construire des épées et on va, yani, devant la présidence, on va jeter des cocktails Molotov et on va incendier la présidence. Tout cela, c'est quoi? C'est le minhaj des tekfirs et des kharijites. Ça n'a rien à voir avec un sunnah ou jamaa. Donc, l'imam Bukhari rahimahullah, a rapporté que Abu Dhar al-Ghifari radiallahu ta'ala anhu. Vous connaissez Abu Dhar al-Ghifari radiallahu ta'ala anhu. Non. Quand il a eu certains problèmes avec Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu, certains problèmes, yani, disons, yani, des choses qui arrivent comme ça entre musulmans, dans certaines divergences, non, et que Othman Ibn Affan a décidé donc de, yani, de l'éloigner un peu. Il lui a dit, écoute, toi tu es quelqu'un, en parlant de Abu Dhar radiallahu ta'ala, il lui a dit, tu es quelqu'un qui est très pieux, qui applique beaucoup, etc. Et yani, franchement, les gens ne peuvent pas suivre ce niveau. Je te conseille de te retirer un peu, inshallah ta'ala, et yani, si je puis dire, ne fais pas de fatwa aux gens, etc. Parce qu'il disait que, par exemple, aucune personne n'avait droit de cacher un peu d'or. Il disait, l'or, ça ne se cache pas. Tu dois tout le sortir et le donner aux pauvres, même si tu fais la zakat. Alors, Othman lui a donné des conseils de se retirer un peu, etc. Quand il s'est retiré un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens sont venus le voir, et lui ont proposé, quoi, de faire une bande, de faire une bande et de faire ce qu'on appelle un drapeau comme ça, de lever un drapeau, un étendard. On lui a dit, c'est toi l'émir. Et yani, on va t'obéir, etc. Il a dit non. Regardez, regardez la sunna. Il a dit non. Jamais. Impossible. Impossible. Il y a le commandeur, Othman ibn Affan, à qui je dois obéir. C'est impossible qu'on fasse un groupe et que, surtout que vous, même si on vous me proposait d'être quoi? D'être le chef ou là, non. Mais maintenant, yani, regardez, comme c'est pas fils Abidlah. Si quelqu'un lui dit, on va faire de toi le chef, on va t'obéir, on va ceci, il va vite accepter. Comme on dit maintenant, on va faire un parti. Mais on va faire un parti contre le gouvernement, vite il va accepter. Non. Donc c'est pas ça, al-Sunna ou al-Jama'a. Ensuite, le message d'Allah a montré que, dans un autre hadith, il a dit, sauf, illa antara kufran bawahan indakum fihi min la burhan. Sauf si vous voyez sur le gouverneur ou là chez le gouverneur une mécréance, non, mais ça suffit pas. Bawahan, clairvoyante. La mécréance ne suffit pas. Il faut qu'elle soit clairvoyante, yani, comme le soleil. Est-ce que le soleil, on peut diverger sur le soleil? Moi, je vais dire c'est le soleil et une autre personne va dire c'est une étoile. On ne peut pas. Non, c'est très clair. C'est très clair. La même chose. Il a dit une mécréance claire pour dire qu'il y a des mécréances qui sont pas clairs. Non. Et ensuite, il a dit, indakum fihi min la burhan. Et cette mécréance, vous avez d'elle quoi? Des délils qui viennent de qui? D'Allah Ta'ala, d'Allah. Donc quatre conditions, subhanallah, quatre conditions. Il a dit, dans ce cas, seulement quoi? Yani, il est permis de yani, prendre les armes contre le gouverneur. Mais, quand on dit il est permis, ça ne veut pas dire qu'il est obligatoire. Non, mais il y a une grande différence. C'est permis seulement. Pourquoi? Parce qu'un kafir n'a jamais le droit de qui? De gouverner les musulmans. Les musulmans, il leur est pas, il leur incombe pas quoi, d'obéir à un kafir qui les commande. Mais je dis bien, c'est seulement permis. Ça veut dire qu'il était permis, mais il n'a pas dit que c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que l'obligation dépend de quoi? Dépend, comme j'ai dit tout à l'heure, de la puissance. Man, moi, je suis faible. Je n'ai pas d'armes. Et le gouverneur qui est Kefa, supposons qu'il soit Kefa, il a des millions de soldats avec lui. Et il a yani, d'autres pays avec lui. D'autres pays. Est-ce que je donne un exemple très simple? Est-ce qu'Israël, par exemple, pouvait quelque chose s'il n'y avait pas les États-Unis? C'est un exemple, c'est tout. Est-ce qu'Israël pouvait faire quelque chose contre tous les musulmans du monde s'il n'y avait pas les États-Unis? C'est impossible, vous savez. La même chose, maintenant le mécréant là, hein? Est-ce que j'ai la puissance, comme j'ai cité tout à l'heure, comment Issa alayhi salam va monter, va fuir de Yajouj et Majouj, et comment le message d'Allah a fait la trêve avec les kuffars et avec les Yahoud. Non, tout cela, comme je disais, cela dépend de la puissance. Si j'ai la puissance, d'accord, mais si je n'ai pas la puissance, et c'est un gouverneur, même mécréant, qu'est-ce que je fais? Même mécréant, je me tais. Pourquoi? J'ai pas la puissance. J'ai pas la puissance. Je patiente, j'adore Allah Ta'ala, je patiente jusqu'à ce que Allah Ta'ala me fasse une solution. Naam. Donc il a dit, pour terminer, ou l'umour lati fiha ta'wil, wa ikhtilafun bayna al-ulama'i, idha irtakabaha wallati al-umur, wallatu al-umur, la yahillu lana munabadhatuhum wa mukhalafatuhum, lakin yajib alayna munasa'atuhum biqadri al-mustata' fi ma khalafu fihi. Naam, il a dit même le gouverneur, quand il est musulman, et que, par exemple, ou là, il dit des choses ou là, bien sûr, il dit des choses ou là, ces choses nous paraissent que, par exemple, ce sont des péchés, mais il a dit, ces choses-là, des fois, proviennent du ta'wil, proviennent, disons, d'une mauvaise compréhension. Il a dit, dans ce cas, on ne doit pas se rébeller contre eux, mais on doit leur faire au maximum une nasiha. Au maximum une nasiha. Je donne un exemple très simple. Imaginez que un président république, président de la République, par exemple d'un pays arabe, par exemple, un musulman, qui vient à la télévision, qui dise, par exemple, qui dise que il n'y a pas de djilbab. Non, je ne reconnais pas le djilbab. Non. Est-ce que maintenant on va dire de lui il est kafir? Il n'a pas reconnu le djilbab. Alors que le djilbab a été cité dans le Coran. Ou bien on va lui trouver des excuses. Non, on ne va pas se précipiter. D'abord, on va revenir aux savants. Ce sont eux qui vont nous dire, non, qui vont le tester, lui poser des questions, pour qu'ils nous disent, nous, que on doit lui obéir, c'est toujours un musulman, ou bien on ne doit pas lui obéir, c'est un kafir. C'est pas toi qui, vite, va donner la sentence. Toi et moi qui n'avons rien dans la tête. On va donner la sentence, classe kafir, donc, allez. C'est la guerre, c'est pas comme ça. Il m'a commandé Allah Ta'ala, ou il a dit, Amrun min amni ou l'khawf, aza'u bihi. Ou alors, le dos et le rasoul, ou il a dit, Amri minhum, la alimahu ladina istambitan minhum. Le mohim, pourquoi? Pourquoi, yani, c'est pas nous qui allons vite, yani, donner la sentence? Quand il a dit, je ne reconnais pas le djilbab, il est possible que, il ne veut pas dire, je ne reconnais pas le voile, mais il a dit, je reconnais pas un habit qui s'appelle le djilbab. Et ce gouverneur est un ignorant. Et les gens qui sont autour de lui lui ont dit le djilbab, il n'y a pas en islam. Le djilbab, ça vient d'Arabie Saoudite, ça vient d'Afghanistan, ça vient du Pakistan. C'est pas, y a pas ça en islam. Et il a cru que c'était vrai. Il a dit non, il n'y a pas de djilbab, je ne le reconnais pas. Ça veut dire dans son cœur, je reconnais le hijab. Le hijab, pas le djilbab. C'est un exemple. Faut pas se précipiter, dire, il a dit, il n'y a pas de djilbab, donc il est kafir. Non, il faut aller doucement. Et c'est les ulama qui vont le tester, lui envoyer des lettres, lui poser des questions, etc. Non, ce n'est pas nous qui donnons des sentences comme ça. Pourquoi? Je dis parce que, yani, c'est une chose très grave que de dire de quelqu'un, c'est un kafir. Si des musulmans, bien sûr, s'il est kafir avec sa croix, là, sa croix sur le cou, il n'y a aucun problème. Des musulmans, on dit kafir, ça veut dire quoi? Ça veut dire on l'a fait sortir de l'islam. Ça veut dire on a dit que on peut le tuer. Ça veut dire on a dit que on ne doit pas le marier. Ça veut dire on a dit que on ne doit pas l'hériter. Ça veut dire on a dit que il ne doit pas hériter. Ça veut dire on a dit que il va rentrer demain éternellement en enfer. Tout ça veut dire kafir. Ça, c'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile. C'est pour ça que les savants disent que si tu trompes, tu te trompes chez quelqu'un qui est kafir, et tu dis musulman, c'est mieux que de te tromper sur quelqu'un qui est musulman, tu dis kafir. Subhanallah. Alors que les takfiris, les gamins qu'il y a sur le parc, donc les takfiris, qui jouent comme ça, qui donnent, yani, qui font kafir à tout le monde, subhanallah. Entre eux, ils ne s'arrêtent pas de faire le takfir. La prochaine fois, inshallah ta'ala, Muslim, alhamdoulilah, il a une cassette, inshallah ta'ala, il nous fera entendre. Vous entendrez Abou Romeïza, l'un des gamins takfiri du Paltok, yani, qui dit que Salah 19, elle a fait kafar. Ce sont tous des takfiri qui rendent les musulmans kafar, et entre eux, ils se font kafar. Ils disent, toi tu es kafar, alors qu'il lui dit, toi tu es kafar. Et, subhanallah, Dieu, Allah Azzawajal, a frappé leur cœur. Il a frappé leur cœur les uns contre les uns, jusqu'à ce que, yani, ils sortent pas des problèmes entre eux. C'est pour ça que les gens ne les aiment pas. Ils disent que, yani, au lieu de nous apprendre le dîn, au lieu de nous apprendre comment connaître Allah, comment rencontrer Allah, comment aller au paradis, ils m'apprennent la haine du matin au soir. Ce musulman est kafir. Ce musulman n'a pas fait, il est kafir. Il n'a pas fait ceci, il est kafir. Il a dit cette phrase, il est kafir. Il est kafir. Du matin au soir, il t'apprend la haine des musulmans. Il te rend tous les musulmans kuffar, sauf eux. Allah Ta'ala nous préserve d'eux et de leur shaitanisme, de leur shaitanisme. Non. Tayyib, il a dit cela, yani, quand les gouverneurs disent des choses qui supposent avoir 2 sens ou plus, il dit il faut aller doucement. Faut aller doucement pour être sûr. Qu'a-t-il voulu dire par là, avant de le juger? Qu'a-t-il voulu dire? Ensuite, il a dit, et on doit maintenant, s'ils ont fait de graves fautes, yani vraiment graves ou là, on doit leur faire des nasihas. On doit leur faire des nasihas si on peut. Si on ne peut pas, on parle aux savants. Les savants ont des contacts avec les gouverneurs. Les savants ont des contacts avec les gouverneurs. Ensuite, c'est les gouverneurs qui quoi? Qui leur font des nasihas. Il a dit, mais, yani, leur déclarer la guerre comme ça directement, même si c'est seulement verbalement, sans les armes. déclarer la guerre aux commandeurs musulmans, même sans les armes, ce n'est pas du minhaj de Al-Sunna ou Jama. Ce n'est pas du minhaj de Al-Sunna ou Jama. Au point où, regardez, lorsque le messager d'Allah dit que le gouverneur musulman doit lui obéir tant qu'il nous ordonne quelque chose qui est obéissance à Allah. Regardez maintenant, imaginez que le gouverneur vienne, gouverneur musulman, vienne à la télé. Ils disent par exemple, j'interdis à partir d'aujourd'hui à toute personne, c'est-à-dire mon peuple, à toute personne de manger des poires. Manger des poires. Non. Bon, manger des poires ou là des pommes, c'est interdit en islam ou là, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Les poires et des cerises. S'il dit des aubergines, alhamdoulilah, on ne va pas manger les aubergines. Alhamdoulilah, ça tombe bien. Mais s'il dit, yani, on ne doit pas manger les poires, c'est interdit. À partir d'aujourd'hui, quiconque va manger des poires, je l'emmène en prison. Toi, qu'est-ce que tu vas dire? Allah Ta'ala m'a permis de manger les poires. Comment celui-là, il va m'interdire les poires? Et de l'autre côté, tu vas dire, mais il y a un hadith qui dit que tu dois obéir au gouverneur musulman. Mais ensuite, tu dis, mais ici, il m'a demandé quelque chose. Il y en a qui veut presque m'interdire le haram. Alors, comment je fais? Naam, ici, les savants disent, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, alors, lui, Cheikh Ibn Uthaymeen a cité les pommes, pas cité les poires. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, Naam, je mange la pomme parce que Allah Ta'ala ne l'a pas interdite, mais je la mange en cachette du gouverneur. Je la mange dans la maison. Ce n'est pas je sors dans la rue, je vais devant la présidence et je commence à mordre la pomme. Naam, devant le policier, devant Naam, je fais exprès. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une des formes du rébellion. Tu veux te rébeller contre le gouverneur. Naam, lui, il te dit ne mange pas cette chose. Toi, tu dis non, je mange. C'est halal. Et après, Allah Ta'ala l'a permise. Allah Ta'ala te l'a permise. Mais Allah Ta'ala ne t'a pas dit. C'est obligé de la manger devant qui? Devant le gouverneur. Il t'a dit, ne fais pas de problème avec le gouverneur. Mange-la dans la maison, mange-la en cachette. Elle est permise. Je ne vais pas moi lui obéir. Quelque chose de halal, il va me dire, ne va pas la manger. Mais je ne la mange pas devant lui. Pourquoi? Pour ne pas rentrer dans la rébellion et la révolte et la guerre. Et la guerre, parce que lui, c'est un fou, là, je ne sais pas ce qu'il a. Il veut m'interdire quelque chose de halal. Mais moi, je ne rentre pas dans son jeu. Moi, je ne rentre pas dans son jeu. Inch'Allah ta'ala, le prochain das qui sera dans la Aqidah, ce sera spécialement, le prochain qui va venir samedi prochain, sera spécialement yani, dans yani, comment on obéit au gouverneur musulman et aux savants, bi-idhnillahi azzawajal, car yani, beaucoup de gens yani, qui ne sont pas encore bien impliqués dans le minhaj ou là, qui ne sont pas dans le minhaj du tout, croient que yani, crois que yani, si on obéit au gouverneur, c'est parce qu'on n'a pas de courage, ou là on est des traîtres, ou là on est des lâches, ou là je ne sais pas comment ils disent de nous, les Takfirions. Nous, c'est pour leur montrer que c'est une adoration, et que quoi? Et que yani, si on n'obéit pas à Allah, à son messager, et on commence à suivre ses tentations et ses passions personnelles. C'est la perdition, que tu le veuilles ou pas. C'est Allah Ta'ala qui a créé cet univers. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé le gouverneur. Et il a créé le gouverné. Et Allah Ta'ala, c'est lui qui commande et qui sait. Hein, donc, t'ordonne comment tu dois faire pour yani, que les choses aillent yani, dans le bon sens. Sinon, si tu veux suivre yani, tes passions, c'est quoi? C'est l'anarchie. Et c'est la guerre du monde, et c'est le sang qui coule, et c'est quoi? Et c'est yani, les têtes qui sautent sans donner yani, aucun résultat. Sans donner aucun résultat. Mais comme vous savez, la meilleure guidance, et la meilleure guidée, le meilleur chemin, le meilleur sentier, c'est le sentier du messager d'Allah et des salafs salih. Pas des takfirs, pas des kharijites, pas des jahmites, pas des chiites, naam, pas des rawafid. C'est le minhaj des pieux prédécesseurs, radiallahu ta'ala anhum, qu'Allah nous aide à, yani, à suivre ce chemin et à le poursuivre jusqu'à la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allah Ta'ala, je m'arrête ici. Je dis subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes ou là un quart d'heure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.